Bonsoir les amis, bienvenue sur Fadjet et pour votre émission spéciale Saint-Valentin de Dr Disco et Mr Funk. Alors on va essayer de vous donner un avant-goût de cette fête des amoureux. C'est Dionne Warwick qui va inaugurer notre émission. Heartbreaker est une chanson écrite et composée par Barry, Robin et Maurice Gibbs du groupe Les Bee Gees bien sûr. Sortie en single en septembre 82, elle est extraite de l'album Heartbreaker. Alors, Dionne Warwick a révélé qu'elle n'aimait pas particulièrement la chanson quand les Bee Gees lui avaient proposé. Mais elle devine que c'est un super tube et elle est décidée à l'enregistrer. Heartbreaker est devenu l'un des plus grands succès de sa carrière. Barry Gibbs est présent dans les chœurs pendant le refrain. Essayez de le reconnaître, c'est parti! I'm Ah, j'aime beaucoup cette chanson. Pas comme beaucoup d'autres, vous allez me dire. Allez, on va passer à Sharon Brown et à son I Specialize in Love, paru en 1982. Alors, Sharon est née vers la fin des années 40 à New York et elle s'est toujours passionnée par la musique. En 82, elle signe avec Profile Records et sort son fameux titre qui est tout de suite un immense succès aux États-Unis. Elle est sacrée meilleure artiste féminine de l'année, mais elle est écœurée par les manipulations des maisons de production. Elle se décide alors à créer son propre label et sort Give Love a Chance par la suite. A Specialize in Love connaît aussi un grand succès en Europe, notamment au Royaume-Uni et en France. La suite de sa carrière sera, comment dirais-je, plus confidentielle. Place à l'écoute. D'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Alors je ne peux pas m'empêcher de vous faire écouter un titre de Cool and the Gang en rapport avec le thème. Si vous étiez à l'écoute l'année dernière, vous avez dû l'entendre. C'est L-O-V-E, Love, en quelque sorte, issu de l'album Open Sesame, sorti en 1976. Ah, c'est pas la plus connue, mais ça fait partie de mes favoris. Dégustez bien. My blues away. Alors un revenant que l'on n'a pas écouté depuis un bout de temps. Pour cette émission de la Saint-Valentin, Titi Dié va ravir tous les amoureux avec son tube Sign Your Name. Alors Titi Dié, c'est Terence Trent D'Arby, ou il a changé de nom, c'est Seinada Maitrena. La chanson est écrite par lui-même et sort en décembre 1987. Elle est extraite de l'album Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Un peu long comme titre, je trouve, mais bon, c'est pas moi qui l'ai choisi. Elle a atteint la seconde place des charts en Angleterre et la quatrième place aux USA. Elle est présente dans la bande originale des films In the Air et En Clock Mode d'Emploi. Sheryl Crow l'a aussi repris en 2010. Allez, on y va ? Au revoir, Terence. Au revoir, Terence. Au revoir, Terence. Someone who Alors je ne pouvais pas faire cette émission sans un titre qui évoque l'amour, Purple Rain. Sorti en 1984 en même temps que le film, c'est l'une des plus connues, c'est l'une des chansons les plus connues du chanteur Prince. Le single est classé top 2 aux USA. Alors la chanson, elle est 18e dans la liste du magazine Rolling Stone des 500 plus grandes chansons de tous les temps. Pas mal comme résultat. Elle est jouée durant chaque concert de Prince. Ah, c'est un peu une obligation, quoi. Elle fut reprise de nombreuses fois, mais le succès, bien sûr, ne vaudra pas l'original. Allez, on y va. We'll be right back. Un petit coquelot? Oh ben oui, on va se faire Laisse une chance à notre amour, tiens, qui est une reprise de la chanson de Jimmy James and the Vagabond, Now is the Time. Elle date de 1976 et figure sur l'album Le Vagabond. Alors c'était en 1976 et ça donnait ça. Au terme de notre émission, j'espère que vous avez passé un bon moment. Alors je vous souhaite une bonne semaine, une bonne Saint-Valentin et à la semaine prochaine. Bye bye.